Tournez votre roulette, hein, ça va tourner tout au long de la journée avec toute l'équipe et avec Fred qui arrive dans un instant. Mais tout de suite, c'est l'heure du zap. Le zap du morning, qu'est-ce qui s'est passé ce matin depuis 6h? Écoutez bien. Le zap du morning. Chacun a son bout de galette. Ça y est, on a notre galette. Alors, celui qui se pète une dent, la fève. Hein. Et puis ça va être sympa à écouter pour vous. Je crois que moi, je l'ai pas, j'ai ouvert la galette, j'ai pas. Bah, ouais, moi non plus, je l'ai pas. Hein. C'est vrai, vous avez regardé. Ah bah, oui, mais on regarde. Je l'ai pas non plus. Ça me... Qui c'est qui l'a? Ah ouais, c'est moi qui ai la fève. Ah, t'es le roi des cons. Tu es élu roi des cons ce matin. Non, vous êtes pas sympa, les gars. Ah, c'est vous là qui faites les fèves avec les Kamasutras dedans? Oui, c'est ah, ça. Ah, super ça. Très bien, parce qu'on aimerait faire une petite dégustation de galettes. C'est quand même la saison avec les enfants, tout ça. On travaille également pour Jackie et Michel. Vous connaissez? Non. Vous connaissez pas Jackie et Michel? C'est deux personnes super sympas. Est-ce qu'on pourrait venir tourner un petit film aujourd'hui dans votre boulangerie? Comme ça, vous seriez encore plus célèbre. On parlerait de vous dans le monde entier. Oui, non, ça, c'est pas possible. Et pourquoi? C'est pas possible. On m'a dit que c'est pas possible. Ah, mais vous leur avez dit que c'était Jackie et Michel quand même. Oui, je sais. Mais c'est pas possible. C'est pour ça que c'est pas possible. Ah ouais, d'accord. C'est à partir de là que ça a bloqué, ouais. On va commencer avec la puissance amoureuse qui est à zéro aujourd'hui pour les taureaux et les poissons. Vous manquerez un petit peu d'autodérision. Tu comprends, autodérision? Oui, oui, oui. Ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que... rigoler de l'humour, quoi. Rigoler de l'humour. C'est la brigade, là, Jean-Louis, la brigade de police du quartier. Ah, vous aimez bien? Eh ben oui, c'est bien. Est-ce que vous aviez... Parce qu'on est en direct sur notre radio, c'est la radio de la police. Ouais. Est-ce que vous aviez un petit message à passer aux forces de l'ordre ce matin? Eh ben, qui va se coucher. D'accord. C'est le casino mobile et ce matin, c'est peut-être votre jour de chance. Je lance le jackpot et on voit si vous gagnez ou si vous perdez. D'accord? Oui. Alors, vous appuyez sur quelle touche? Le 8. Oh, c'est perdu. Romano. Oui, faut arrêter de taper, madame. Elle veut rejouer. Allez, ça retourne. Allez, hein, c'est parti pour un tour. Oh, c'est encore perdu. Oh, allez, oh, c'est reperdu. You lose. Oh. Allô, la femme à Patrick? Elle a tout losé, la femme à Patrick. Je fais une distribution dans un instant. On va voir qui a de la chance dans l'équipe. Et est-ce que quelqu'un aura de la chance? On va voir ça tout de suite. Vous voulez vos petits tickets? Oui. Bah oui. Allez. Vous voulez vos petits tickets gratuits? Hier, j'ai joué, moi, à l'astro, j'ai gagné 2 euros. C'est pas vrai. Si. Bravo. Mais ça y est, t'es riche. Et ça coûte combien, un astro? 2 euros. Eh oui, Cariole, tu as trop de la chance.